Chapitre 12e, la mère et la fille. Quelques jours se sont écoulés. Le fornaro Gaffarelli n'a plus quitté la maison de la rue Bourgneuf. Il est toujours malade, et quand Raphaël n'est pas auprès d'elle, Stella veille au chevet de son lit. Ce père est heureux d'avoir retrouvé sa fille, de lui parler, de poser encore sur son front jeune et charmant ses lèvres arides. Que lui importe la maison où il se trouve, pourvu qu'il sente sans cesse autour de lui la pensée aimante de Stella. Et Raphaël vient aussi quelquefois. Gaffarelli aime le grand artiste, qui était bon et compatissant pour lui. Il a oublié le reste du monde. Il serait heureux de mourir, avant d'avoir épuisé ses derniers bonheurs. Il n'en est pas ainsi à la rue des marchands de Chapelet. Depuis le départ de Gaffarelli, la boutique du Fornaro est déserte. Personne ne songe plus ni à fabriquer du pain ni à venir en acheter. Portes et fenêtres sont closes, et la maison a un air de désolation qui chasserait les plus intrépides. Les voisins qui, autrefois, s'empressaient autour de la belle jeune fille et de ses parents, s'éloignent aujourd'hui. Les envieux qui, autrefois, se taisaient devant l'admiration générale, aujourd'hui s'établissent en famille sur le pas des portes et jasent sur l'événement. Les plus hardis prennent la parole. Nous l'avions toujours dit à Mamma Lucia et au seigneur Gaffarelli, leur fille était trop belle, il devait lui arriver malheur. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Il la paraît comme une chasse et la faisait voir comme une madone. Le peintre a profité de l'occasion. Il l'a vue et l'a enlevée. Et maintenant il nous en fera de beaux tableaux que nous irons adorer dans les églises. Dans la maison, cependant, une pauvre femme se renfermait dans le plus sombre appartement. Malheureuse, dit Mamma Lucia, c'est moi qui ai fait tout le mal. Cet amour dont mon cœur est brûlé depuis tant d'années, jamais je n'ai pu le vaincre. Encore aujourd'hui, il me domine et m'entraînerait. Raphaël n'aurait qu'un mot à dire, et je lui obéirais aveuglément, comme une humble esclave. C'est moi qui ai perdu Stella. Quand je la menais dans les églises, je la faisais toujours agenouiller devant quelqu'une de ces madones divines, et puis je ne parlais à ma fille que de ce grand artiste. J'ai trop souvent dit son nom avec orgueil devant elle. Avant de le connaître, elle l'a aimé, et quand il s'est présenté à notre pauvre boutique, avec sa grâce, sa beauté, sa voix mélodieuse, Stella aura trouvé que je n'en avais pas assez dit encore. Comment résister à Raphaël? Je l'aime bien, moi. Et Mamma Lucia s'affligeait de cette passion fatale que ni le temps ni la distance n'avaient pu vaincre et qui s'était réveillée plus forte et plus indomptable depuis qu'elle avait revu le grand Sanzio. Toute à ses propres pensées, elle se préoccupait fort peu de l'absence de Gaffarelli. Ne se rendant point compte du temps écoulé, elle se réveillait avec la même idée qu'il avait travaillé toute la vie et cette idée l'obsédait tout le jour. Stella était la seule qui trouvait dans son cœur assez d'affection pour être avec Raphaël, l'amante que l'artiste avait rêvée, avec son père malade, une fille pleine de soins et de dévouement, et pour donner encore une pensée à sa mère qu'elle ne voyait plus, à sa mère dont elle ne pouvait expliquer l'absence quand son père était là. Inquiète, Stella dit un jour à Raphaël en l'embrassant avec tendresse, « Mon ami, voilà plusieurs jours que j'ai tout quitté pour vous suivre, parce que je vous aimais. La journée ne s'est pas écoulée sans que j'aie revu mon père, mais depuis, ma mère Lucia m'a laissé entièrement sans nouvelles. Je ne sais que penser. Voulez-vous m'accompagner à la rue des marchands de Chapelet ?» Raphaël, enlaçant ses bras au cou de la charmante enfant et ramenant à lui cette tête aimée, lui répondit « Tout ce que tu voudras, Stella, je le ferai. Tous tes vœux seront exaucés. Parle. Ne crains jamais d'être importune. Un désir de toi sera toujours une chose facile à accomplir pour ton Raphaël. Eh bien, l'obscurité règne sur la ville. Voulez-vous que nous partions? Allons, ma bien-aimée. » Et Raphaël et la fornarina, heureux d'être suspendus aux bras l'un de l'autre, s'acheminèrent vers la rue des marchands de Chapelet. La nuit était noire. Les rues que traversaient les deux amants étaient étroites, irrégulières et sombres, même dans le jour. Raphaël, chaque fois qu'une silhouette de passant se dessinait sous l'ombre du mur, sentait le bras de Stella serrer le sien, et tout le corps de la jeune fille effrayée se pressait contre lui. Alors, le sang refluait au cœur de l'heureux artiste. Sa tête se penchait vers la tête de la fornarina. Ses yeux qui brillaient dans les ténèbres la rassuraient avant que sa voix eût articulé une de ces paroles banales auxquelles l'amour prête un charme infini, et leurs lèvres, unies dans un baiser, semblaient prendre toute cette puissante nature de la nuit à témoin de la passion qui les brûlait tous deux. Quand ils arrivèrent à la rue des marchands de Chapelet, tout était sombre et solitaire autour de la maison du Fornaro Gaffarelli. Semblable à une étoile timide, une pâle lueur brillait à une fenêtre dont on avait négligé de clore les volets. Stella reconnut cette fenêtre. C'était celle de la chambre de sa mère, et la lampe qui brûlait encore attestait que Mama Lucia n'était pas endormie. La jeune fille heurta la porte, cette même porte au cadre de bois grossièrement travaillé, contre laquelle elle s'appuya avec nonchalance le jour où Raphaël la vit pour la première fois. À ce bruit, la solitude sembla se peupler. Une forme humaine parut derrière la vitre qui s'ouvrit, et une voix de femme interrogea dans l'ombre la personne qui avait heurté. Ce n'était pas la voix de Mama Lucia. Stella répondit néanmoins, et un instant après, elle entrait dans la boutique paternelle, suivie de Raphaël, qui s'adressa à l'étrangère d'une voix impérieuse. « Où est la signora Caffarelli? Voilà sa fille qui vient la voir. » L'étrangère ne répondit point, mais son doigt levé indiquait les appartements supérieurs. Mama Lucia, en reconnaissant la voix de Raphaël, s'était précipitée dans l'escalier. Elle rencontra Stella qui montait vers elle, et la mère et la fille se tinrent longtemps embrassées. Puis, se tournant vers l'artiste, Mama Lucia lui dit avec des larmes dans les yeux et dans la voix « Oh, je vous remercie, Seigneur Raphaël, je vous remercie de m'avoir rendu mon enfant. » Pendant ce temps, les fenêtres voisines s'éclairaient comme par enchantement. Dans la rue des marchands de Chapelet, naguère si calme, on entendait partout ces bourdonnements, faibles échos des conversations domestiques qui sont la vie et l'agitation des villes comme Rome. L'étrangère avait disparu. Si Raphaël avait pu distraire son attention de Stella, il aurait été fort surpris de la rencontrer dans la maison du Fornaro Gaffarelli. Cette étrangère, que le peintre n'avait point reconnue, était son élève, Antonio Vanozzi.